Dans ma vie amoureuse, je sens que c'est bloqué car j'aimerais être avec un homme. C'est pas moi qui ai écrit ça, là. C'est... Je vais juste spécifier au cas des fois. Je recommence. C'est une question que je lis. Dans ma vie amoureuse, je sens que c'est bloqué car j'aimerais être avec un homme. Faire c'est peut-être ta femme qui écrit ça? Ça se peut. Elle aimerait être avec un homme, hein? Et que t'es plate. Bon, je t'avais de l'acheter, cette question-là. On recommence. Dans ma vie amoureuse, je sens que c'est bloqué car j'aimerais être avec un homme. Une chance de pas lui le reste. Faire toutes sortes de choses ensemble. Et je ne trouve personne. Que dois-je faire pour résoudre ce problème? J'en connais qui essayent ça, ça marche même pas. Les petites annonces? Il y a des choses que vous devez comprendre qui souvent est difficile à accepter. Parce que difficile à accepter, souvent c'est difficile à comprendre. Parce que souvent l'ego comprend seulement s'il accepte. Dans la vie amoureuse d'un individu qui se conscientise, à un moment donné de sa vie, il va finir par développer chez lui une conscience qu'on appelle une conscience supramentale, une conscience intelligente, qui a comme caractéristique d'être une conscience individuelle. Une conscience individuelle, ça veut dire une conscience qui ne peut pas être coloré par l'opinion d'autrui, par la conscience d'autrui. Elle peut être énergisée par la conscience d'un autre, mais pas colorée. Quand on parle d'énergiser, cela veut dire que vous êtes déjà d'accord avec une chose et vous n'êtes pas sûr, et l'autre individu sera d'accord comme vous, et là vous serez sûr. Colorer, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec une chose. Et après le contact avec l'autre, ben là, vous ne savez plus trop si vous êtes d'accord ou non. Ou bien vous avez changé de vie. Dans l'évolution supramentale, dans l'évolution vers la sixième race mère, dans l'évolution de la majorité des individus de l'échelle nord de cette planète, les personnes, à un moment donné, vont développer un ajusteur de pensée, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose chez eux qui va commencer à rectifier la tradition dans leur conscience. À un moment donné, ils vont mettre en doute les religions. Ils vont mettre en doute l'enseignement de philosophes. Ils vont mettre en doute l'enseignement de leurs parents, de leurs médecins. Ils vont mettre en doute différentes choses. Et mettant cela en doute, ils se dirigent vers une individualisation de la conscience. Dans le processus même de la conscience supramentale, donc de la conscientisation, de la maturation vers l'intelligence, l'intelligence, c'est toujours quelque chose qui nous permet de savoir une chose lorsque c'est nécessaire qu'on le sache, quand c'est nécessaire, alors que l'intellectuel, c'est la capacité qu'on a de se rappeler de ce que l'on a appris. Et ça nous limite énormément vers l'avenir. C'est bon, on se retournerait dans le passé. Là, on serait efficace. Tout ce qu'on sait du passé, si on retournerait dans le passé, on serait tous millionnaires. Puis les gaffes qu'on a faites, on ne les ferait plus, puis on serait vraiment bien. La problématique, c'est vers l'avenir qu'on se dirige. Et ça, on n'a pas de conscience mémorielle de l'avenir. L'intelligence, c'est de l'intelligence active, libre. Quand un individu se conscientise suffisamment, il doit devenir un être autonome. Autonome énergétiquement, et cela va créer nécessairement différents problèmes d'énergie, ce qu'on appelle souvent des souffrances. Et à travers ces souffrances-là, l'individu va intuitivement, inconsciemment, souvent, décoder qu'il aurait avantage à faire partie d'un groupe, à faire partie d'une synergie, à faire partie d'une banque d'énergie. Maintenant, vu qu'il évolue vers une conscience individuelle, certains mécanismes vont se développer dans sa psychologie pour le préserver d'un retour en arrière. Et ces mécanismes vont faire en sorte que notre individu sera de plus en plus associable et il sera sauvage, c'est-à-dire qu'il sera de plus en plus inapte à ne pas argumenter. Il ne sera pas capable de défendre son opinion, il la défendra. Il argumentera, il s'obstinera, et à un moment donné, ben effectivement, il finira par dépendre de plus en plus que de son opinion, en rejetant de plus en plus l'opinion d'autrui. Alors, il voudra rencontrer quelqu'un qui pensera exactement comme lui. Comme ça, il n'aura pas besoin de se dire « Il faut que je la convainque, il faut que je le convainque. » La problématique, c'est que même s'il rencontre quelqu'un similaire à lui au niveau de l'opinion, si les deux individus sont en conscientisation, progressivement, les deux vont finir aussi par vivre des guerres d'égo. C'est-à-dire qu'il y a une grande mécanique qui se développe qui vous forcera, pas tout le monde, plusieurs, à rester seul tant que vous ne vous serez pas suffisamment identifié à vous, parce qu'en étant avec quelqu'un d'autre, vous risquez encore d'être coloré par l'autre et vous ne devez pas être coloré par personne. De ce fait, il y a des individus qui vont justement rechercher d'autres personnes qui seraient capables de vibrer intelligemment. Il y a plusieurs personnes même qui se rencontrent. Ils sont sur différentes mêmes longueurs d'onde. Ils vibrent bien. Ils décident de s'associer. Et à un moment donné, ça ne va plus. Et on peut observer, si on ferait l'autopsie de leur vie de couple, que bien souvent les deux avaient raison, mais que les deux raisons ne pouvaient pas vivre en harmonie. Est-ce qu'on tapisse ou on peinture? Les deux ont raison. Mais ça peut faire une chicane à long terme. Alors, il y a des personnes, et j'en connais plusieurs personnes, garçons ou filles, qui aimeraient bien rencontrer garçons ou filles pour vivre une vie énergétique, pour monter en amour. Et quand je leur dis, si ce n'est pas fait, c'est que vous n'êtes pas encore suffisamment prêts. Il y a en masse de gens qui se préparent. Il y a de plus en plus d'individus qui vont y être capables. Il y en a qui sont déjà en couple, développez-le. Il y en a d'autres, devenez transparent. Ça va déjà aider. Ça va permettre à d'autres individus autour de vous de se transparentiser, de devenir eux aussi transparents. Ça va permettre à des individus déjà transparents de daigner s'approcher de vous. Ça va tout arranger. Chose certaine, c'est qu'on doit encore une fois attendre. Ce n'est pas pour rien qu'on se ramasse seul. C'est encore une fois pour votre bien dans la majorité des cas. La personne ici, ce qu'elle dit dans sa question, elle dénote qu'elle serait facilement encore dépendante d'un amour. Si elle se conscientise le moindrement, il y a des fortes possibilités qu'elle n'ait pas son amour immédiatement tant qu'elle ne sera pas suffisamment centrée dans son intelligence pour ne pas risquer de revenir en arrière au niveau de l'évolution humaine pour être dépendante d'un amour. Elle pourrait rencontrer un amour fabuleux et le détruire pour le posséder. Peut-être que non. Mais dans ce qui est écrit ici, c'est déjà quelque chose comme ça. Parce que l'individu qui était tellement centré sur lui-même, regardez comment c'est fou. L'individu centré sur lui-même, il n'a pas besoin de personne. Et il en rencontre plein. L'individu qui en a besoin, ben lui, il n'en rencontre pas. Mais il n'est pas centré. Alors, tant que vous en aurez besoin, probablement que si vous vous conscientisez, vous aurez de la difficulté à en trouver. Puis quand vous n'aurez plus besoin, il va tout arriver. J'ai un bon ami qui doit être bien décentré, lui, parce qu'il fonctionne avec un système d'agence, il perd son courrier. Il se trouve une blonde, il dit qu'il n'aime pas émotivement, mais qu'il aime avec des sentiments, elle s'en va. Et ça continue comme ça, je pourrais te réciter ça pendant des heures et des heures. Il n'y en a jamais une qui vient à bout de rester, puis il ne vient jamais à bout d'en trouver une. Mais pendant ce temps-là, physiquement... Oui, mais t'as vu ton ami? Oui, je sais. C'est vrai, j'ai plus de questions. Non, mais physiquement, le corps physique, il a besoin d'une relation. Il a besoin de rencontrer. Il y a des besoins physiques qui se développent chez les individus. Tu ne vas pas courir à droite et à gauche pour trouver une fille. Droit. Ça ne te tente pas. Les gens sont rendus à un niveau de conscientisation qui n'ont plus le goût de sortir avec n'importe qui. Oui, ils deviennent de plus en plus pour difficiles. Pour l'homme, surtout, ton ami, c'est un homme. Oui. Pour l'homme, ça devient un grand problème quand on se conscientise parce que le corps physique du mâle est beaucoup plus... oblige le mâle à avoir des relations sexuelles beaucoup plus fréquemment que le corps physique d'une femme. Et quand l'homme arrive à une conscientisation où il se rend compte que ça n'a vraiment rien à voir avec lui, que la femme mérite vraiment autre chose que juste être un objet pour aller se contenter, puis en même temps, bien, le corps physique, il est là, lui. Lui, il continue de ramasser. Puis ça peut, justement, énergétiquement, ça peut miner, etc. Il y a effectivement plusieurs hommes qui sont rendus dans une beauté de conscientisation particulière, mais par contre, ils vivent effectivement cette problématique où il y a encore toutes les 30 millions de générations en arrière d'eux autres, au niveau des mâles, qui veulent une relation sexuelle. Puis là, c'est sûr que s'il veut rencontrer l'idylle parfaite pour l'aimer et avoir une relation sexuelle en même temps, il ne pourra pas. S'il a besoin de relations sexuelles, il peut les avoir tout seul. Il peut s'arranger avec des personnes qui... Bon, OK. Mais il ne pourra pas mettre les deux ensemble. Il ne pourra pas pour l'instant. Avoir une femme intelligente en même temps? Non, avoir une femme intelligente en même temps, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il risquerait de la détruire. Pourquoi? Parce qu'il était présentement, il a un besoin. Est-ce que c'est parce qu'il risquerait de la détruire ou lui va s'empêcher d'évoluer? C'est que s'il aurait une femme, ça dépend de ton ami. Ton ami, on le connaît, mais quand même. C'est que disons que si le besoin physique est tellement grand que s'il rencontre une femme intelligente, il risque de ne pas pouvoir respecter suffisamment l'intelligence de la femme pour que ça devienne une finalité, le point de la phrase amoureuse, la relation sexuelle. Il risque encore de la mettre comme lettre majuscule au début. Bon, alors plus, donc c'est pour ça que ça devient problématique. Autrement dit, il ne devrait pas, s'il y a un besoin immense, il ne devrait pas essayer de rencontrer l'idylle parce qu'il y a un besoin qui risque de venir briser l'affaire. Il devrait aller éliminer le besoin, et puis à un moment donné, il y aura l'idylle qui va se rencontrer là. Puis, évidemment, socialement, il y a toujours un paquet d'inhibitions qui peuvent apparaître, mais encore une fois, dans plusieurs cas, pourquoi elle ne rencontre pas immédiatement une correspondance énergétique avec quelqu'un d'autre, c'est souvent parce qu'il détruirait la chose ou bien parce qu'il serait détruit par la chose. C'est insuffisamment centré ou insuffisamment maître contrôleur. Dans la fusion avec le double éthérique... Ça ne veut pas dire qu'il ne rencontrera pas de femme. Il va être bien découragé. Dans la fusion avec le double éthérique, est-ce que nous cessons d'avoir besoin d'un amoureux? Ben oui, on cesse d'avoir besoin d'un amoureux parce que finalement, ton amour est avec tout ce qui existe. C'est que l'humain, l'amour, c'est uniquement une relation d'énergie. C'est une complicité énergétique. L'amour total, c'est être. Être veut dire être partout. Être l'observateur et l'observer, c'est de fusionner avec le reste. Alors effectivement, on n'a plus besoin d'un amoureux. Ça n'empêchera pas qu'il y aura des relations énergétiques absolument fabuleuses qui vont se faire, mais il n'y aura jamais, jamais, jamais de dépendance, de demande, de besoin. C'est la grosse nuance. Une fois que je suis heureux, est-ce que j'ai encore besoin du soleil? Non. Disons. Mais s'il fait soleil, va-t-il être caché? Ben non. Tu en bénéficies quand même. Quand le Nazaréen disait d'aimer son prochain comme soi-même, je faisais pas justement référence à s'aimer soi-même. Parce que là, si on aime le prochain comme soi-même, comme on s'aime pas réellement, on n'est pas un être. Tant qu'on n'est pas un être, on peut pas aimer les autres. Le Nazaréen parlait des égos à l'époque, puis il disait simplement, parce que les personnes étaient fières. Vu qu'ils étaient fiers, elles s'aimaient. Puis tout le monde était pire. Fait que s'il aimait les autres comme lui-même, c'est déjà mieux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. On respecte beaucoup plus les autres que soi-même. On va demander l'opinion à autrui, on va respecter plus. C'est parce qu'à un moment donné, il a dit à quelqu'un, tu sais, si on te donne une claque dans la face, tends l'autre face. L'autre face, oui. De là vient l'expression, les visages à deux faces. Alors, puis là, on a pensé que ça s'adressait à tout le monde, mais franchement, Dieu aussi pourrait appliquer ça. Oui. Le contact télépathique avec le supramental, peut-il se faire sans toutes ces techniques? Ben oui. N'est-ce pas préférable que le supramental enseigne des techniques spécifiquement adaptées aux besoins de l'individu? C'est exactement ce que c'est, et c'est exactement aussi ce que je fais ou ce que le programme Maître Contrôleur fait, c'est-à-dire qu'on prend des techniques adaptées à la masse actuellement évoluante au Québec, et à travers l'enseignement ou à travers l'énergie ou à travers les techniques qui sont diffusées, l'individu se doit de transformer la technique, d'amalgamer la technique, d'améliorer la technique, de bouger la technique pour que ça devienne quelque chose totalement adapté à lui. Puis s'il la communique, il la communiquera selon une forme de standard qui permet aux individus de ne pas trop être colorés par celui qui enseigne la technique. Exemple, je vous montre à marcher, je ne vous montrerai pas à marcher comme je marche. Je vais vous montrer une marche, disons, pour un prototype standard. Et une fois que vous savez marcher, je peux vous dire, maintenant, quand tu marches, marche à gauche, marche, tu sais, fais différentes choses, puis tu vas découvrir des points où tu es confortable. Je ne t'enseignerai pas mes points confortables, parce qu'on n'est pas fait de la même façon. Donc, de prime abord, ce qui va arriver souvent, c'est qu'au lieu de prendre des années à intégrer une technique pour l'adapter, eh bien, s'il y a des individus qui l'ont déjà fait, qui sont beaucoup plus âgés que vous, et il y en a peut-être qui ont 2, 3, 4 000 ans, plus que certains ici, bon, plus âgés, eh bien, on va chercher simplement cette expérience-là et puis il nous l'enseigne. Mais l'importance, comme tout à l'heure, je dis, on se place face à face, on se regarde. Quelqu'un qui doit appliquer la technique de l'autre, donc qui n'a pas suffisamment de contact avec lui-même, va dire, oui, mais là, est-ce que je regarde l'œil gauche, je regarde l'œil droite ou est-ce que je peux-tu bouger? Bon, la base de la technique, c'est comme si on vous dit, respirez convenablement. Respirant abdominalement, vous allez ouvrir des capteurs Yann au bout du nez. Respirant intercostalement, vous allez ouvrir des capteurs ominales au milieu du nez. Bon, respirant sous-clavièrement, vous allez ouvrir des capteurs yiniques à l'extrémité du nez. Vous avez froid, respirez du yin. Vous avez chaud, respirez du yin. Vous êtes malade, respirez de l'ominal. Ah, est-ce qu'il faut faire ça assis ou debout? J'ai tout dit. Bon. La personne, elle peut vérifier par la suite, elle va découvrir que ça fonctionne. Elle l'avait peut-être déjà intuitivement perçu. L'intelligence vous parle, notre intelligence, notre esprit nous parle souvent. Mais il y a pas mal d'autres sons autour de nous autres, ce qui fait qu'à un moment donné, on n'entend plus trop. Alors, si on le répète clairement dans le langage que là, on écoute, comme je viens de le faire là, après ça, c'est à vous d'inventer la technique. Quelqu'un va dire, moi, ça va mieux quand je suis sur la tête. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça va mieux quand tu es sur la tête? Oui, mais c'est correct. C'est ce que tu fallait dire. Un autre, ça va être, moi, c'est quand je suis assis, moi, c'est quand je marche, moi, c'est quand je pleure, moi, c'est quand... Mais oui, c'est parfait. C'est parfait. C'est simple. Puis, c'est assez que c'est un problème au niveau du PMC, parce qu'il y a des individus, ils viennent, et puis, ils apprennent vite. Alors, tu prends une grosse technique, tu leur donnes juste ce qu'il faut pour voir, parce qu'on sauve du temps. Elle a tout compris. Ben, elle trouve qu'à payer cher pour rien, là, ça a duré rien que 5 minutes. Ah ben là, ils donnent 12 heures de cours. Puis là, elle n'a pas son argent. C'est une chose qu'on doit finir par apprendre, par intégrer à un moment donné. C'est pas le temps, c'est la valeur de. Bon, vous êtes malade en train de mourir, 2 000 $ on vous guérit. Mettez 2 000 $, vous donnez une petite pilule. Hein? 2 000 $ pour une petite pilule? Non, c'est 2 000 $ pour la vie. Pas pour la pilule. Ben, c'est souvent la même chose pour bien les choses. Pourquoi lorsque je masse les pieds de mon conjoint, environ 2 à 3 minutes, j'ai chaud, je n'ai plus de force dans les bras et je suis fatigué? Voilà. Ça dépend comment vous massez. Il faudrait laver les pieds avant. Vous avez chaud. Il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. Est-ce que votre position physique est apte? Est-ce que vous forcez énormément avec un paquet de muscles inutilement? Êtes-vous en conditionnement physique? Quand vous massez, massez-vous à la force de tous vos ronds pronateurs, supinateurs, biceps, triceps et tout le tralala. Sinon, sachez une chose, c'est que si vous massez convenablement, il y aura beaucoup d'énergie qui va commencer à circuler. L'énergie yang, elle est chaude, alors nécessairement, elle va circuler. Il y a une construction qui existe présentement au Québec qui n'est pas tout à fait terminée, qui a une bizarrerie. Elle dégage uniquement de l'énergie blanche. Et un individu qui n'est pas transparent avec lui, lorsqu'il rentre à l'intérieur, il a une peur, panique, comme s'il venait de rencontrer le diable en personne. Et vous devez apprendre une chose, c'est que ce qui est beau fait aussi peur à l'ego que ce qui est mauvais, que ce qui est noir. L'énergie, c'est la même chose. L'individu ramasse beaucoup d'énergie, ça va l'aider. Si elle est bloquée, si elle n'est pas transparente, ou si elle ne comprend pas toutes les mécaniques, donc l'ego est en train de jouer avec ça, vous pouvez ramasser de l'énergie et puis tomber. Et on va dire, oui, mais regarde, c'est peut-être une énergie qui est mauvaise. Mais non, elle peut être très bonne, mais on ne peut pas la supporter. Donc, on doit apprendre à digérer ces choses-là. Ça veut dire que la personne devrait normalement vérifier premièrement si ce n'est pas simplement au niveau musculaire qu'elle a chaud, etc., puis qu'elle tombe. Donc, ça fait un conditionnement physique en massant les pieds de son conjoint. C'est pas tout la dynamique qu'on a des grands pieds, tu sais, ça peut passer. Mais... sinon, si elle le fait convenablement, il y aura nécessairement de l'énergie qui va circuler. Elle peut devenir extrêmement yannique. Le yann va l'accalmer, puis le yann va l'endormir. Des petites choses qu'elle devrait simplement vérifier au niveau de son comportement énergétique. Et elle peut y aller, masser 2 fois moins la prochaine fois, puis digérer les résultats, aller un peu plus. Elle peut masser les pieds, à un moment donné, changer pour les mains. On peut bouger un petit peu. Quand elle a fini de masser, si elle a ramassé beaucoup d'énergie, peut-être qu'elle devrait simplement s'évacher. Et quand je dis s'évacher, c'est important. Ce n'est pas se coucher. C'est s'évacher. Elle doit être debout dans son lit, là, puis tomber. Paf! Alors, c'est le temps du lit, parce qu'elle peut revenir aussi vite sur le meuble à côté, puis tu sais, bon, ça dépend des lits. Bon. Mais s'évacher, on se laisse écraser, sur le tapis, quelque chose de même. Si on ne tombe pas comme si on était mort, mais on y va. Et peut-être qu'elle, là, elle pourrait absorber et bénéficier énormément de tout ce qu'elle a fait là. C'est un grand, grand problème souvent, c'est qu'on ne se paye pas le luxe de prendre le temps de digérer l'énergie qu'on a fait bouger. Et ça, on devrait. Question. Réponse. Ah, c'est bien, c'est marqué. Éducatrice et mère de 3 enfants, âgés maintenant de 25 ans et plus, L'une d'elles fait le suivi des conférences depuis plus de 3 ans. Est-ce qu'elle est conscientisée parce qu'elle réincarne la génétique de son père européen? Les deux autres ont assisté à quelques conférences et la plus jeune comprend le mécanisme de l'évolution. Est-ce qu'elle comprend parce que je demeure avec elle et ses enfants et que l'énergie que je dégage s'y imprègne? Il y en a une autre. C'est oui à toutes les questions, plus aussi beaucoup d'autres mécanismes qui font que les enfants peuvent comprendre. Il y a beaucoup d'enfants qui sont extrêmement solides, donc ce ne sont pas uniquement des cruches comme ça qu'on remplit à un moment donné. L'imprégnation a son importance au niveau de l'organisation de l'information chez l'individu. La génétique est extrêmement importante, mais est-ce qu'elle a dit là, la personne a raison, puis il y a aussi peut-être probablement une panoplie d'autres mécaniques qui viennent se mettre en jeu avec cela. Peut-il y avoir plusieurs conscientisés dans la même famille? C'est rare, mais ça arrive. De plus en plus, on aura des familles de conscientisés. J'ai expliqué une mécanique qui est extrêmement pénible souvent à comprendre. C'est que dans la majorité des familles de l'ère du poisson, donc les autres familles, on a toujours, souvent, un individu qui se conscientise, qui avance, qui fonctionne. Puis lui, il ne comprend pas comment ça se fait que son frère est con, sa soeur est imbécile, les parents ne comprennent rien. Toutes les personnes ici se sont unies inconsciemment, c'est la mécanique évolutive qui fait cela, pour ramasser le karma de cet individu-là, donc ils vont supporter son karma pour lui permettre à lui de pouvoir monter. Autrement dit, quand on dit « c'est chanceux de la famille, il a tout ramassé », c'est vrai. Alors, il va arriver souvent que la famille, dans l'ensemble, va ramasser toute la problématique familiale au niveau des mécanismes réincarnationnels des lignées familiales pour en libérer un. Alors, c'est pourquoi souvent, on avait une personne qui pouvait comprendre et qui y allait, et d'autres dans la famille qui ont plus de problèmes, soit de drogue, d'alcoolisme ou de paquet d'autres phénomènes. C'est fréquent, ou même qu'au niveau du catholicisme, on avait une idée, par exemple, le septième de la famille, il est extraordinaire, comme si on avait épuisé toutes les punitions qu'on peut donner à la famille, les 6 premiers, le septième qui arrivait était correct. Est-ce que c'est un support karmique temporaire, puis qu'à un moment donné, rendu à un certain niveau, il te le redonne tout en même temps? Là? Non. Ce qui arrive simplement, non, c'est pas ça qui se passe. Le support karmique, il est permanent, à moins qu'à un moment donné, il y ait une fusion chez l'individu par imprégnation et puisse aider les autres, ce qui arrive à un moment donné plus loin. Là. Ça paraît comme chien au départ, mais on n'a pas le choix. On a un bon coureur dans l'eau, puis c'est lui qu'il faut qu'il y ait la chasse. Qu'est-ce qu'on fait? On va ramasser toute la nourriture qu'on a, on va y donner. Mange. Il va à la chasse, puis ramène-nous quelque chose. Nous, on va tout payer pour que lui soit bien. Il va être bien bâti, en forme, il n'aura pas faim, il n'aura pas froid, puis il n'aura pas soif. Nécessairement, on s'attend à ce qu'à un moment donné, il revienne. Bon, il peut ne pas revenir. L'humain est à l'humain. Si on s'attend à ça, oui. Ben, c'est ça. Ah, mais toi, quand ce que tu veux dire, c'est que tu conscientises, puis à un moment donné, la famille, il décide de te ramasser par en arrière. Ben, peut-être pas décide, mais comme si tu l'avais laissé là temporairement, puis que tu es rendu à un niveau où maintenant tu dois le brûler, ça, donc tu reviens chercher. OK, mais en réalité, tu vas brûler des karmas qui sont résiduels de choses que tu as fait il y a bien longtemps, beaucoup plus. Et toute la mécanique astrale va faire en sorte, toute donc la mémoire, la tradition collective, va s'arranger pour que toi qui te conscientises ne te conscientises plus. Et c'est ce que je dis souvent, on va tout faire pour te récupérer par ton ego. Si on ne peut pas, on va ramasser l'ego de ceux qui vivent avec toi. Eux, on va leur donner des misères pour qu'ils te ramassent. Tous les grands initiés n'avaient ni femme, ni enfant, ou ni mari. Ben, ils étaient des grands initiés pour ça. C'est-à-dire que si on ne peut pas les ramasser eux, puis plus rien pour les ramasser, ben, ils ne sont plus ramassables. Mais dans l'ère nouvelle, là où on va, plus cela va aller, plus les individus seront capables de vivre ensemble. Mais regardez, si je reste avec une femme qui se conscientise et qui est autonome, quand on voudra la ramasser, elle va s'arranger. Je suis correct. Et à un moment donné, on ramasse un de nos enfants. Mais tous les deux, on s'en fout. Il a sa vie à vivre et son karma à vivre, chacun ses pénates. Mais c'est pas long qu'on lâche, ça sert à rien. L'astral gaspille pas d'énergie, ça sert à rien. Alors la meilleure façon de protéger ceux qui nous entourent, c'est d'être totalement détaché. Oui, mais si tes enfants meurent, qui meurt? Ben, ils ne mourront pas. Ça ne sert plus à rien. Quelqu'un dirait, oui, mais regarde, le mien est mort quand même. Ça, c'est son plan de vie. Mais ça ne te regarde plus. Parce qu'il y a des personnes, à un moment donné, en séminaire, qui justement, me posent la question, ça veut dire que si je fais ceci, cela, cela, il ne leur arrivera plus rien. Il ne leur arrivera rien à cause de toi. Mais ils ont leur plan de vie à vivre. Alors, il va leur arriver maintenant ce qui va leur arriver maintenant. Ils ne serviront plus d'instruments pour te manipuler toi, mais ils vont vivre quand même si on vit. Mais c'est évident. C'est pas à cause que subitement, vous êtes détaché que c'est de bonheur parfait sa planète Terre. Votre fils, votre fille, il s'engueule avec son ami. Ben oui, ben c'est pas à cause de vous. Les liens d'amitié à surpasser... Les liens d'amitié ici, à surpasser le lien matériel face à l'éducation de ses enfants. Y a-t-il un rôle que je dois assumer face à leurs besoins d'énergie? Je parle des petits-enfants. Le rôle le plus, c'est pas un rôle en réalité. Il y a une fonction intéressante qui peut être faite, qui va créer une synergie, parce que si la personne s'intéresse à ces enfants-là, c'est que nécessairement elle tête leur énergie. Têtant leur énergie, si les enfants s'intéressent à cette personne-là, c'est que les enfants têtent l'énergie de la personne ici aussi. Et on appelle cela un échange d'énergie. Ça, c'est parfait. Maintenant, si ensemble, ils sont bien et qu'en étant ensemble, ils ne se lassent pas, c'est qu'en plus, il y a une synergie. Donc, il n'y en a pas un qui s'épuise avec l'autre. S'il y a une synergie, tout ce que la personne doit faire, c'est, si on simplifie, ça serait « aime-les » puis « laisse-toi aimer ». Mais on parle de relations énergétiques. Pourquoi? Parce que si par la parole, si par exemple les parents ne sont pas capables de suivre immédiatement ce qu'on pourrait dire aux enfants, mais ne leur dites pas aux enfants. Communiquez-leur, ne leur dites pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça va créer des problèmes entre les enfants et les parents. Et entre les parents et la personne. Donc, entre la personne et les enfants. On est encore parti. Vous savez, on ne doit pas faire du porte-à-porte justement pour porter la bonne nouvelle. Devenez une bonne nouvelle. Ceux qui pourront vous voir. Ceux qui ne vous voient pas, c'est parce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Alors, allez les voir, ça ne va rien changer. Donc, vous restez vous-même, gardez vos énergies. Donc, la personne, elle doit simplement les imprégner, c'est-à-dire qu'elle doit être elle. Elle, simple, transparente, donc pure, et être en relation avec les enfants, en fonction d'une relation énergétique, être comme les enfants ont besoin qu'elle soit. Ça veut dire que l'enfant qui pose des questions particulières, on répond, mais on n'engage pas l'enfant dans une communication. Si les parents sont capables de suivre, etc., il n'y a pas de problème. Alors, ce n'est pas un rôle qu'on doit jouer, c'est que laisser la vie des enfants... Et la vôtre, déterminer la relation qu'il y aura. Puis, contentez-vous de bénéficier des occasions. Ça, c'est s'alimenter dans l'amour. Aller chercher de l'énergie, cumuler de l'énergie. B, profiter des occasions. Vous êtes bien avec les enfants, constatez pas que vous êtes bien avec les enfants. Soyez bien avec les enfants. Sans chercher à placer un rôle ou à quoi que ce soit. Vivez. Vivez bien avec. Quand ils sont pas là, ils sont pas là. C'est tout. Il n'y a pas de rôle à vouloir déterminer. Ça crée un problème. Les rôles, c'est un poste astral qu'on essaie de vous donner. Puis quand le rôle est fini, bien là, on ne sait plus quoi faire de la vie, on s'est habitué. Vivez. Qu'est-ce qui est plus intelligent à faire quand on se rend compte qu'on s'engueule, quand on sait pertinemment qu'on ne veut pas s'engueuler? Bien, c'est simple, on prend un miroir doublement entre nous deux. Fait que l'autre, il se voit, puis moi, je me vois, puis là... J'expliquais la semaine dernière, si on est capable d'avoir la puissance qu'il faut pour quand on commence à ne pas aimer, ça passe en face, ça fait encore partie de la transparence. Vous discutez avec quelqu'un, avec votre conjoint, votre conjointe, puis à un moment donné, la discussion, vous ne l'aimez pas. Vous allez le décoder. C'est transparent avec vous, vous allez décoder rapidement que vous ne l'aimez pas, la conversation. Vous ne vous gueulez pas encore. Mais c'est pas ça qu'on s'en va sur, c'est pas ça. On s'en va sur un terrain que je ne veux pas. S'il y a déjà une entente entre les deux, comme je disais la semaine dernière, si on est capable de dire un plus un, le moindrement que ça ne va pas, il y en a un des deux qui demande à l'autre un plus un. Là, ça veut dire, écoute, on est bien mal parti. Si tu dis, écoute, on est mal parti, ben là, l'autre, il va te sauter dessus. Parce que qu'on est mal parti. Chaque fois que j'ai raison, tu sais. Bon. Alors, on trouve un mot, ça peut être podo, n'importe quoi. Mais d'autres mots que niaiseux, cave, imbécile. Parce que l'autre, il ne comprend pas là, qu'on veut dire qu'il faut arrêter la conversation. Tu sais, alors, on développe, il faut s'entendre calmement avant, hein, c'est pas mal l'engueulade. On sent rapidement, mais regardez ceci, la problématique de l'humain, c'est qu'il n'est jamais suffisamment vivant. Alors, dans sa conscience, il y a un événement qui crée un petit bruit. Toc. Toc. On l'entend tous. Toc. Mais il n'est pas fort. Toc. Fait qu'il ne dérange pas trop. Toc. Fait qu'on le garde. Toc. À un moment donné, il double de fréquence. Il est un peu plus rapide, un peu plus fort. Oh, mais il nous réveille un petit peu, mais finalement, pas si pire que ça. Puis, à un moment donné, puis là, on découvre qu'on est en beau maudit. C'est ça. Et découvrant qu'on est en beau maudit, podo. C'est ça. Découvrant qu'on est en beau maudit, il est souvent trop tard. On vient de se faire embarquer. Alors, quand ça... Si je suis transparent, tu tendras pas au dos, là. Si je suis transparent avec moi-même, du moment que je le décode, non, là, on communique, puis j'aime pas la façon dont on communique. Puis l'autre, il va continuer à argumenter, puis là, vous allez sentir que ça s'en vient. Calmez-vous, respirez, allez marcher, prenez une marche dehors, tenez-vous sur la tête, pétez, faites n'importe quoi. Mais distrayez-le, occupez-le. Si on est capable de s'entendre d'avance avec une structure, mais pour ça, il faut qu'on parle. Une des choses que les gens font de temps en temps, par exemple, bon, là, j'explique ceci. La personne, elle est là, son mari ou sa femme, son conjoint, son ami n'est pas venu. Ben, si on peut s'arranger à un moment donné pour lui écrire ce que je viens de dire, un exemple, ou quelque chose de similaire, c'est comme si c'était l'autorité d'une autre personne. Si vous m'écrivez quelque chose, je vais plus facilement l'accepter parce que vous ne m'écrivez pas souvent. C'est comme si là, c'était votre autorité intellectuelle qui me parlait. C'est plus votre ego. Alors là, je peux écouter. Si vous venez me dire, « Bon, écoute, ce qu'il faudrait qu'on fasse, dépendant de ce que l'ego d'autre est rendu, il n'y a rien à faire, on ne pourra jamais s'arranger. » Quelqu'un d'autre viendrait le dire, il trouverait ça génial. Si vous vous le dites, vous êtes un imbécile. Alors, il y a donc des moyens de faire. On l'écrit, ou il fait écouter une cassette, ou etc. On doit trouver une façon, justement, de s'entendre, un mot clé. Puis là, quand on commence, si on est transparent, quand on commence à sentir que ça fait mal encore, c'est pas ça, ça pique, c'est pas ça. Mais là, on le dit. Mais il faut faire attention parce qu'à un moment donné, on y va, on endure. Vous savez, les parents, souvent, les enfants, ils punissent une fois par année. Mais quand ils punissent, les enfants rentrent à l'hôpital. Tu vas dire, ouais, si je me lâche! C'est ça qu'il ne faut pas faire parce que lâche-toi pas. Dans tous les sens du mot, évidemment, parce que c'est dangereux. On doit faire attention, puis à un moment donné, il y a de l'irritation qui apparaît, puis on l'endure, puis ça monte, puis on l'endure. Quand ça éclate, il est trop tard souvent, on est fait. Alors, on doit être suffisamment transparent pour le décoder puis immédiatement exprimer à l'autre que là, la conversation qu'on est en train de faire là, c'est pas ce que je veux faire. Et si on a déjà jasé avec l'autre, on va être capable de s'entendre. Si l'autre n'est pas au courant, il y a des chances que ça l'irrite. Quand je te frappe, ça veut dire qu'on arrête. Non, moi, c'est une façon comme une autre. Je lui ai dit, écoutez pas ces techniques. Qui est Galahad? Galahad. Ah, c'était un paquet d'affaires. On continue les questions, mais on pourra revenir dessus. Je travaille dans une école de médecine douce. Pas grave. Ça, tout se soigne. Et aujourd'hui, un groupe s'est réuni avec un médium qui laisse son corps à un groupe d'entités. Je n'ai pas voulu y assister parce que j'ai compris que presque toute ma vie, je me fiais à ce que les autres disaient. Néanmoins, je me sentais un peu à part. Qui sont ces entités? Peuvent-ils vraiment aider l'être humain ou sont-ils en quête d'énergie? Bon, la personne, elle répond suffisamment amplement déjà à sa question de toute façon. Bon. Médecine douce. Ça me fait toujours rire quand on dit médecine douce, parce qu'elle est souvent aussi violente que la médecine alternative. Alors, aujourd'hui, un groupe s'est réuni avec un médium. Un médium, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que c'est pas bonbon, un médium. Alors, c'est réuni avec un médium qui laisse son corps à un groupe d'entités. Il y en a un qui contrôle la main, un le pied, un, tu sais. Je n'ai pas voulu y assister parce que j'ai compris que presque toute ma vie, je me suis fié à ce que les autres disaient. Néanmoins, je me sentais un peu à part. Oui. Il y en a même certains qui ont dû vous traiter de cochon. Bon, peut-être pas verbalement, mais c'est évident que vous étiez à part. Bon. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que vous devez progressivement apprendre à assumer votre intelligence. Là, vous refusez d'assister à ce travail de groupe parce que vous êtes convaincu que vous n'avez pas d'affaires là. Et ayant de la difficulté à assumer son intelligence, on se dit « oui, mais je ne suis pas normal, je ne suis pas collectif, je ne suis pas dans le troupeau », puis on se sent mal parce qu'on est à part. Moi, j'ai été chanceux quand j'étais jeune parce que j'étais toujours été fier d'être à part. Quand la gang de cons a commencé, je les appelais la gang de cons à l'époque, là, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas né avec ça aujourd'hui, là. Mais quand mes amis, mes exécrables amis, mes bons amis, quand mes amis ont commencé à fumer, moi j'étais à part. Puis moi, je me disais, c'est pas grave, je suis sûr que dans 20 ou 30 ans, c'est moi qui vais-tu de bon côté. Et puis à un moment donné, je me suis dit, écoute, dans 20, 30, 40, 50, 2000 ans, même si t'es jamais du bon côté, ça change quoi? T'as pas le goût de fumer, tu trouves ça niaiseux. Tu fumes, t'as de la fumée dans la vie, t'as de la foin dans la main, puis c'est tout. Être à part, ça voulait dire ne pas être normal, mais ça voulait dire être naturel. Alors, je fus naturel, je suis encore naturel, puis je suis à part. Ma mère, ma femme un grand bout de temps, mon trou traité de tête de cochon, mais c'est ça. Je suis un grand part. Aujourd'hui, ma mère est à part aussi. Bon. Alors, le gros ici de l'idée, c'était que la personne, elle a l'impression de savoir, elle est presque sûre d'être sûre, puis en même temps, elle se dit, « Oui, mais je ne suis pas collectivement sûre, alors je me sens mal. » C'est pas dit ça de même. Là. Que sont ces entités? Premièrement, c'est des mécaniques qui stressent l'humain. Hein? C'est des mécaniques qui détiennent toutes les actions dans les compagnies de café. Bon, c'est des entités, fait nécessairement ils vendent du café, c'est pas mal de choix. Bon. C'est des phénomènes qui stressent l'humain, qui donnent de la caféine, puis ça fait de même. Bon. Peuvent-ils vraiment aider l'être humain? Une entité, qu'est-ce que c'est? Une entité, c'est une mémoire non digérée ou une particule de mémoire non digérée qui apparaît suite à la dissolution d'un corps physique. Hein? C'est simple. Avez-vous d'autres questions? Quand une personne décède, quand elle meurt, quand le corps physique meurt en réalité, parce que la personne n'est pas encore morte, elle gagne le plan moronciel, un plan de transition, le plan d'énergie vitale. Dans ce plan moronciel, c'est un plan où il y a la vie, mais où il n'y a pas de corps physique. Et quand on réanime un corps physique, l'individu revient du plan moronciel. Et les quelques rares personnes qui nous ont conté ce qu'elles avaient vu là-dedans, c'était pas dans le monde de la mort qu'elles étaient. C'était entre le monde de la mort et le monde de la vie avec le corps physique. Il y a certaines entités qui vont gagner le monde de la mort, pénétrer le monde de la mort, et dans le monde de la mort, on est digéré, dissous. Bon. Et à un moment donné, il y aura un processus de réincarnation fusionnelle pluralitaire sur lequel on pourra revenir plus tard. De toute façon, je pense que tout le prochain mois, on parle uniquement de réincarnation. Alors, on reviendra plus tard, même très, très, très prochainement. Lorsque certains individus décèdent, il y a une problématique planétaire qui a été contrée par les bouddhistes, par les catholiques, par les catholistes, par un paquet d'individus qui font des prières régulièrement en monastère, des prières pour diriger les morts. La problématique, c'est que disons qu'on forme une grande famille, tout le monde ensemble ici, et une des personnes meurt, disons toi. Par hasard. Non, bien. L'hasard fait bien la vie. Non, l'hasard fait bien les choses aussi. Et on l'aimait. C'est-à-dire qu'on s'abreuvait de sa présence régulièrement. On vient donc il y a un mois à la conférence sur l'amour animal. Et là, on pleure tous, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire sans lui. On l'aimait. On y fait un gros cortège funéraire, en noir. C'est nous qui sommes en deuil, pas lui. Et puis là, on pleure, etc. Puis là, on se remémore ce qu'il était. Puis là, à un moment donné, on décide d'essayer d'entrer en communication avec lui. J'ai déjà essayé ça, j'avais 12 ans. Avec le seul adulte qui, à l'époque, avait réussi à se rapprocher de moi. Mais il est mort quelques mois après. On l'a noyé en Californie. Il est mort après? Oui. Ouais. Après ça, j'ai décidé de ne pas toucher aucun autre adulte. Parce qu'il y avait effectivement un danger. Parce que c'est pas un accident. On l'a ramassé par les pieds et on l'a coulé en Floride. Ce bonhomme-là, il s'est rapproché de moi. Quand il est mort, la nuit, j'ai rêvé premièrement que je mariais sa femme, puis que j'élevais sa fille. Mais à 12 ans, évidemment, je n'ai pas pensé à appliquer ça, là, je ne me suis pas missionné. Quand sa femme est revenue, il y a un de mes amis qui est rentré dans la maison, puis qui vient me voir, puis il me dit « un tel est mort ». Avec moi, tout ce que j'y réponds, c'est « je le sais ». Parce que là, je viens de comprendre le rêve. Pourquoi je mariais sa femme? C'est que lui, il venait me dire « occupe-toi-en ». Psychologiquement, moralement, mais les rêves, on interprète ce croche travers. Elle était enceinte, on ne le savait pas à l'époque, mais elle avait une fille. Bon, elle l'a eu après sa fille, évidemment. Par la suite, on s'est dit, on va essayer de communiquer avec lui. Pour la première fois, on a quelqu'un qui comprend tout ce que l'on fait, puis qui est l'autre bord. Quelle aubaine! Alors, on sort nos cartes, nos tarots, et puis on commence à... On était 4-5 dans un petit groupe, et puis là, on veut communiquer avec lui. Et la réponse que ça donne, c'est une réponse qu'on refuse. C'est-à-dire que ça n'a pas marché comme on voulait. Bon, puis c'est ça, ça ne marche pas. Parce que... Alors, on recommence, on brosse les cartes, on recommence. Et puis, ça marche toujours pas. Donc, on recommence encore. Puis à un moment donné, on est pas mal tous d'accord que ça ne fonctionne pas, ou bien que ça veut dire... Puis le terme était un terme très catholique. Quand on le dit, nous autres, c'est que la vibration qu'il y avait, c'était... excusez-moi si je l'emploie, mais pour bien comprendre, c'était « Calissez-moi la paix ». Alors, c'était pas « Laissez-moi en paix, je vous prie », ou etc. Là, c'était réellement un coup de poing planté dans la gueule de ses amis. Et là, à un moment donné, ben là, on se rappelle une chose, c'est qu'un bonhomme, un jour, qui a dit « Laissez les morts enterrer les morts et occupez-vous des vivants ». Tu es décédé, on pleure, on a tes photos, on se réunit tout le monde ensemble, avec un Ouija énorme. Et puis, on veut communiquer avec le mort. Il arrive quoi? Il arrive que plus on le pleure, plus on empêche certaines de ses parties de gagner le monde de la mort. Alors, pour contrer cela, les bouddhistes, il y a un paquet de religieux, des moines. Hein, on a par exemple ici la maestrie d'Oka. Le monastère d'Oka. La maestrie, ça c'est au Tibet, il ne faut pas mélanger tout non plus. Mais on a des endroits comme ça où on se dit souvent ils perdent leur vie à prier comme ça pour rien. Non, ils sauvent énormément de problématiques planétaires. Bon, ils ne savent pas autant que je le sais, mais ce qu'ils font est bien. Et là, nous, on te pleure, on pense à toi, on a tes photos, on t'adore, on ramasse tes cheveux, ton linge, tu sais, on fait un paquet de choses dans le genre, on prend ton cœur, on le met dans une stèle pour te bâtir un oratoire. Bon, on va là. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement qu'il y a une grande partie de tout ce qui le constituait ne peut pas gagner le monde de la mort parce qu'il y a une attraction plus forte dans le monde des vivants. Chez nous, dans notre mémoire, il ne mourra pas. Et c'est un problème. Il ne se réincarnera pas non plus ailleurs. Alors, ce qui arrive, c'est que là, on crée une entité. Cette entité-là, créée dans le plan moronciel, un jour, progressivement, sera diluée. C'est pourquoi, dans certaines régions où il y a des fantômes, on a eu longtemps en Écosse, les personnes restaient attirées par... ne voulaient pas perdre leur matière, leur argent, leur château, etc. Et la partie plus basse de l'ego restait et hantait. Bon. Sauf qu'à la longue, c'est digéré dans le plan moronciel, ça se détruit. Et à un moment donné, le château n'est plus hanté. Bon. Ce qu'on doit comprendre, donc, c'est que la personne, elle est là, elle est devenue une entité, pas la personne au complet, il y a une partie d'elle qui est une entité, c'est les parties souvent les plus basses, mais qui connaissent l'humain et qui ne sont pas limitées par la problématique sécrétionnaire du corps physique. Il n'y a pas de sécrétion endocrinienne, ils n'ont plus de corps physique. Alors, eux, ils auront besoin maintenant pour goûter à la vie, pour continuer à s'énergiser, sinon ils vont mourir, donc le fantôme va disparaître. Ils ont besoin de l'énergie des vivants. L'énergie des vivants, c'est de l'énergie vitale, et c'est aussi, si possible, de l'énergie émotive. Mais l'énergie émotive, on ne peut l'accumuler, la créer, la vivre, la goûter, l'absorber, que s'il y a sécrétion endocrinienne. Donc, que si on peut habiter un corps physique. Alors, les entités vont s'arranger pour rencontrer des médiums de temps en temps, et certains médiums vont laisser leur corps. L'entité prend possession du corps, et là, on nourrit l'entité. En échange de quoi, l'entité va trahir certains secrets du monde de la mort. Mais les secrets qu'elle trahit du monde de la mort sont des secrets de polychinelle. Ce sont des secrets que tous les voyageurs, astro connaissent. Ce sont les secrets que les initiables connaissent. Ce sont des secrets que plusieurs prêtres connaissent. Ce sont des secrets que l'ésotérisme connaît. Bon, la franc-maçonnerie, l'ordre rosicrucien et un paquet d'autres phénomènes vont connaître. Et normalement, l'entité qui n'est pas nécessairement l'individu qu'on a pleuré, mais ça peut être l'amalgame de plusieurs phénomènes comme ça, va prendre l'image de celui qu'on veut avoir. Et là, on se fait leurrer, on se fait tromper. Et progressivement, il va user le corps physique. On a expliqué un peu la semaine dernière que plus on avait des sécrétions endocriniennes, plus on détruisait son corps physique. L'entité qui prend possession d'un médium, elle va sécréter dans le corps au maximum. Le cœur, les pupilles, tout va se promener là-dedans. Il y aura pas de l'atropine, mais il y aura une hormone similaire qui donne les mêmes réactions, de l'acétylcholine. Il y aura un paquet d'hormones contradictoires qui vont se sécréter, des hormones... qui vont faire agir, qui vont faire contre-réagir, etc. Et là, le médium va vivre un stress corporel énorme. L'entité se nourrit énormément. Puis quand l'entité se retire, qu'est-ce qui arrive? Le médium, il est capote. Il est totalement épuisé. Il n'en peut plus. Et ils vivent pas vieux. Ils vivent malades et ils meurent. Maintenant, ce qu'on fait, on ramasse un groupe d'individus. Normalement, on va se tenir la main. On ramasse un groupe d'individus pour ramasser l'énergie de plusieurs individus de façon à permettre à l'entité de se nourrir émotivement en prenant possession du médium, Si possible, par la liaison des mains en prenant possession de certains individus, donc les individus les plus sensibles peuvent aussi partir. Et là, ce qui va arriver, c'est que, et souvent on demande de fermer les yeux, quelqu'un qui ouvrirait les yeux et qui est suffisamment voyant va être capable de voir des choses particulièrement atroces, c'est que l'entité va créer des choses ectoplasmiques dans la salle. Alors, il peut y avoir des mouvements, des bruits. Ça, c'est de l'énergie vitale, de la télékinésie, ce que tout le monde on va parvenir à faire dans quelques années. Bouger les objets à distance, psychokinésie, lévitation, évidemment. Marcher sur les eaux ou à 20 pieds en haut des eaux, la même chose, lévitation. Alors, il va y avoir des choses comme ça qui vont se passer. Pourquoi? Parce que l'entité, maintenant, prend de l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est ce qui constitue les corps physiques, c'est ce qui permet, c'est ce qui permet à tout d'exister, c'est de l'énergie intra-atomique. Et à un moment donné, il va créer des ectoplasmes, des apparitions ectoplasmiques, des apparitions qui sont fluidiques, bizarres. Ça peut être une main, un cœur, une tête, un visage. D'autres entités peuvent se greffer et là, on va boire à même l'énergie vitale des individus, tout en leur donnant une impression endocrinienne. Et c'est là le problème, c'est que l'ego, les égos des participants, s'ils vivent quelque chose dans leur corps, dans leur trip, il s'est passé quelque chose. Oui, on est venu les voler. Mais là, ils sont tout fiers, tout contents, parce qu'ayant vécu endocrinalement quelque chose, l'ego s'est aussi énergisé. Mais le corps vital a perdu, le corps physique a été abîmé, et à la longue, on y repère. Les entités qui viennent, bon, viennent aider. C'est évident, imaginez qu'on se soit tout le monde en rond, puis l'entité qui dit « Je viens pour vous tuer, on ne vous doit pas l'avoir. Je viens pour vous aider, viens-t'en. » Bon. Alors, en partant, il se présente d'une belle façon, convenablement, avec exactement ce que l'on veut. Mais nous sommes tous reliés au monde de la mort par le canal réincarnationnel, que certains appellent aussi la corde d'argent au niveau du voyage astral. Donc, ils sont totalement au courant de ce que l'on veut. En plus, on en parle tout le monde ensemble. Donc, on informe le monde astral sans arrêt, ce qui fait que l'entité qui vient se pointer, il nous dit exactement ce qu'on veut savoir. Et là, ça descend, c'est beau. Ça, de temps en temps, au départ, ça va pas trop prendre. Ça va révéler de l'information. Ça donne à peu près jamais d'énergie. Et là, on va dire, oui, j'ai senti mon cœur, je me suis senti tout bizarre. Ça, c'est un tétage endocrinien, un instant. Ça va donner quelques informations, quelques bribes d'informations, mais il n'y a jamais aucun médium qui gagne à la loterie. La loterie ne fait pas partie de la mémoire. Alors, c'est sûr qu'on peut dire, bon, à 8 heures, le tirage de l'auto 649, ils font ça quoi, à 4 heures, 5 heures, ils font ça bonheur aux autres. Mais ils ferment les bureaux à une certaine heure. C'est-à-dire qu'ils font attention. Ils font attention pour pas qu'il y ait une trop grande marge. Ils savent pas toute la mécanique, mais ils savent bien les choses. Alors, ils font attention pour pas qu'il y ait une trop grande marge, c'est-à-dire que quand ils ont fait le tirage, quelqu'un qui peut aller dans les annales akashiques immédiatement saurait c'est quoi le chiffre. Les individus sont trop astralisés, ils vont dans l'astral. Dans l'astral, l'information est en train de monter. Mais s'ils tireraient ça 2 jours avant, il y a beaucoup de médiums qui seraient. Alors, ils le font pas. Bon, un peu comme vous allez à Las Vegas, dans ces coins-là. Vous commencez à gagner, on va changer le croupier. Pourquoi? On va mettre quelqu'un d'autre qui, lui, va dissonner l'énergie qui vous habite. Vous allez commencer à perdre. Vous gagnez encore, on envoie quelqu'un qui se plante en arrière du croupier puis il vous regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce qu'il fait là, l'autre? Rien. Il va. Vous gagnez encore, on va venir mettre un... S'il y a un trou dans la table, on va venir mettre un autre joueur. Il va tout mélanger les cartes. Parce que maintenant qu'il y a un joueur de plus, vous n'aurez plus les mêmes cartes. Vous allez perdre. Vous gagnez encore, c'est légal. On vous prend et on vous met dehors. On vous donne votre argent, mais on vous met dehors puis on vous reprend plus. Pourquoi? Parce que, oui, mais j'ai pas de truc. On s'en fout. Mais ils le savent, parce qu'ils se sont tellement fait laver par des individus qui avaient de la chance. Si tu as de la malchance, pas de problème. Si tu as de la chance, ça devient illégal. Tu peux revenir. T'as malchance, pas de problème. Et c'est su. Alors, les entités, quelle que soit l'entité, et de temps en temps, c'est ce qui arrive, c'est qu'on a des entités de très grand niveau. J'ai rencontré Jésus. Ben, dis franchement, Jésus... Observons convenablement. Quel Jésus as-tu rencontré? Ben, Jésus-Christ! T'es à quelle hauteur pour que lui vienne te rencontrer? Oui. Bon. Et puis, c'est une entité qui vient se placer dans une forme que tu as besoin. J'ai rencontré un maître tibétain, j'ai rencontré ce que vous voudrez. Il y en a même qui disent qu'ils m'ont rencontré. Puis moi, je leur dis, faites-vous-en pas la nuit, moi je dors, puis je m'occupe de bien d'autres choses que d'aller vous voir dans votre rêve. C'est un voyage en enfer. Ouais. Il faut qu'on apprenne une chose. L'homme doit être son seul maître. Être son seul maître, ça ne veut pas dire qu'il se fout de tout. Ça veut dire que c'est lui qui détermine ce qu'il va faire. C'est lui qui détermine le karma qu'il va porter, puis la vie qu'il va mener. Pour ça, il doit avoir une conscience. Une conscience supramentale, une conscience espritique, une conscience intelligente. Une conscience instantanée. Pas une conscience mémorielle qui dit « Oui, je veux cela parce que la tradition a dit que... » C'est pas ça, c'est pas une conscience. C'est une mémoire. L'individu doit être son seul maître. Alors, quand une entité vient vous dire « Écoute, tu devrais te lever, puis aller te laver. » Mais là, vous vous dites « Ça a-tu du bon sens ou pas? » Puis là, vous vous dites « Mais de toute façon, c'est... oui, ça a du sens. » Là, vous n'écoutez pas l'entité. Vous vous servez de son énergie pour vous donner le coup de pied au cul qui vous manquait. À un moment donné, l'entité revient et dit « Écoute, tu devrais aller masser ta femme ou ton mari ou tes enfants. » Vous dites, c'est vrai, j'y pense pas assez souvent. Là, vous dites pas, ouais, c'est une entité, je l'écoute pas. Non, vous devez être votre seul maître. Sinon, l'entité va dire, écoute, va pas masser ta femme. Tu te lèves, tu y vas masser. Au lieu de dire, va masser. En disant l'inverse de ce qu'elle veut, vu que tu fais l'inverse de ce qu'elle dit, tu vas faire tout ce qu'elle veut. Mais non, être son seul maître, ça a toute l'allure ou pas? Ben oui, ça a de l'allure. C'est ça que je me suis dit. Mais cette entité-là, profitez-en. Un jour, hey, tu devrais aller dans la chambre de ton fils, là, puis bas-le. Il y a des mauvais esprits chez lui. Là, vous êtes en dessous de l'allure. Mais s'il y a des mauvais esprits, en le battant, il va peut-être ôter les mauvais esprits. Mais je ne le renforcerai pas pour qu'il en vienne plus. Je vais devenir l'esclave. Je devrais battre mon fils régulièrement. Après, ça n'a pas de maudit bon sens. L'entité, écoute, va entrer ailleurs. Là, on est son seul maître. C'est très important. N'importe qui, je le dis souvent, le médecin, il est gros, puis il fume, puis il vous dit, écoute, t'as maigrissé, puis t'as essayé de fumer, vous allez mourir trop jeune. Le médecin a totalement raison. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, on n'a rien à faire, ce qu'il fait. Ah ouais, mais il dit pas, on n'a rien à faire, ce qu'il fait. De être son seul maître, c'est prendre énergie là où elle se trouve. Vous entendez un chien aboyer, puis ça vous dit, cours, il y a un rat de marée qui s'en vient, courez. Demandez-vous pas si le chien est diplômé. Courez. Bon. Alors, on prend les... C'est nous qui devons être diplômés, l'auditeur, l'auditrice, de l'entité ou de quoi que ce soit. Et on ne fait pas de séance de médium collectif. Vous vous collectivisez, vous mêlez vos énergies, puis il y a pire que ça aussi. C'est qu'en faisant une communication comme ça, la majorité des problèmes karmiques de chacun des individus devient maintenant collectif chez tout le monde. Il y en a qui pourront bénéficier des maladies des autres. Et tout, en tout cas, c'est une manchure. C'est très dangereux de faire ce genre de truc. Ta guérison est de la magie noire. Bon, l'humain qui n'a pas de conscience instantanée, de conscience supramentale, n'a pas le libre-arbitre, ni dans sa conscience, donc il ne peut pas discerner le bien du mal tant qu'il ne l'a pas fait. Il le sait après qu'il n'aurait pas dû, ou qu'il aurait dû, ou qu'il a bien fait. La guérison est de la magie noire. La guérison, c'est de la magie. C'est un processus de magie, donc c'est un processus qui ne devrait être employé que par des initiés, des individus désassujettis des karmas et qui ont la capacité motrice de bouger les événements. Alors, c'est pas un individu qui décide de faire le bien, parce que sur la planète Terre, même les dieux sont contre ceux qui font le bien. Les bons partent en premier, c'est pas pour rien. La magie, c'est de la magie, blanche ou noire. Je guéris un individu et il vit heureux, il a des enfants, il a peut-être pas d'enfants, il a une femme, il a un mari, il l'a peut-être pas non plus, bon, il est heureux, il est efficace, il fonctionne, ça va bien. Magie blanche. Je guéris un individu, maintenant qu'il est guéri, il devient un tyran majeur, puis il domine tout le monde par l'armée, il vend la drogue, etc. C'est la magie noire que j'ai faite. Je guéris un individu, tout va bien, je guéris un individu, sa maladie aurait pu lui enseigner des choses. Magie noire que j'ai faite. Mais tu le sais pas, hein? Mais non. Fait que tu fais de la magie puis tu te poses pas de questions. Ou tu fais pas de magie. La guérison est nécessairement un processus de magie. Est-elle noire, est-elle blanche? Chose certaine. Allez voir comment moi j'ai réglé ça. J'ai un enfant qui est malade. J'ai la capacité de le guérir. Quel que soit l'enfant, quel que soit l'adulte, mais ça m'est arrivé avec un jeune. Bon. Il y a un être humain avant de moi, il est malade. J'ai la capacité de le guérir. Est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je connais tout son plan de vie? Je peux pas commencer à passer 6 mois à visiter l'astral pour remonter tout son schéma réincarnationnel pour savoir s'il n'y a pas... Bon, c'est compliqué. Alors, ce que je fais simplement, c'est que je regarde l'individu, puis je détermine quelle harmonie que j'ai avec lui. Est-il beau? Alors, est-ce que je vois de l'esthétisme chez lui? Est-il intelligent, autrement dit? Est-ce que je suis en harmonie? Suis-je monté en amour avec lui? Oui? Eh bien, je le guéris. Oui, mais peut-être que... Bien, il y avait rien qu'à m'instruire en haut, c'est simple. Fini là. Peut-être avoir un karma noir, oui, puis je le guéris pas, mais peut-être en avoir un aussi. Fait que franchement, entre un puis l'autre, m'offrir ce que ma conscience pense qu'elle dit que je devrais faire là, puis je n'ai rien à foutre du reste. De temps en temps, je me suis trompé quand j'étais plus jeune, c'est vrai. Tant pis. Puis là, quand je me trompais, ben c'est ça. Si je l'aurais su, je l'aurais pas fait. Fait que là, je me levais la boîte en haut, puis je criais. Vous aviez rien qu'à me le dire. Bon, tu sais, c'est comme quelqu'un dirait, oui, mais t'as peut-être intervenu dans le plan de Dieu. Mais Dieu avait rien qu'à me le dire. Bon, on le voit jamais, on l'entend jamais, on le sent jamais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a mal fait. Torieux, à un moment donné, là, qui nous le dit? S'il me dit va à gauche, va à la gauche, aucun problème, mon ego est tellement petit. Si je suis sûr que c'est correct, puis que c'est lui, là, tu sais, bon, c'est bien beau, n'importe quoi, on va le faire. L'affaire qu'il y a, c'est que Dieu, il vient, puis il dit, fais ceci. Deux jours après, le diable arrive, habillé de la même façon. Il peut pas avoir un code, Dieu. Alors, le diable, il l'a aussi. Ben là, merde, moi, je sais plus. Fait que là, devenez votre seul maître, ça va faciliter les choses. Mais on ne guérit pas par principe de dire qu'on devrait le guérir, il fait pitié. Parce que là, c'est dangereux. Là, vous risquez trop pour rien. S'il a à être guéri, puis que vous ne le touchez pas, il y a une autre cave qui va passer le guérir. Ça peut être vous, ça peut être moi. Sinon, ben, on va parler, soit on vibre bien avec l'individu, bon, on va le guérir, et puis bamzaï. À un moment donné, ils vont nous informer, ils vont nous le donner. Si on est des fonctionnaires qui fonctionnent trop mal, ils n'ont rien qu'à nous informer pour nous envoyer le contrat. On va le lire, puis on va le faire. En attendant, quand je dis être son seul maître, c'est ça qui est important. Vous vous sentez comment devant cet état-là? Pas traditionnellement. Ah oui, mais on n'est pas pour le laisser de même. Non, laissez faire les mots tout faits. Vous vous sentez comment? Seriez-vous prêt à donner un bras pour sa santé? Si vous n'êtes pas prêt, guérissez-le pas. Si vous vous dites oui, il le mérite. Quand on dit mériter, c'est pas méritoire, c'est que c'est tellement beau, tellement parfait, tellement etc., que l'humanité au complet mérite qu'il vive. T'sais, mets ce que tu voudras, il y a un esthétisme, il y a quelque chose, il y a une attraction. Ben là, fais-le. Tu ne perdras pas le bras. Peut-être quelqu'un que tu ne connais pas. Je vais peut-être t'en pousser un autre. Je suis une jeune thérapeute en médecine. Si tu me sauves. Dans ton cas, je risque de perdre les deux bras, en tout cas. Je suis une jeune thérapeute en médecine énergétique. Il m'est arrivé hier de faire un transfert, une douleur, une brûlure à la main, mémoire d'une vie antérieure. Donc, comment se libère ce transfert? Comment se libérer de ce transfert? À un moment donné, il faudra probablement qu'on explique à ceux qui font de la médecine naturelle une nouvelle façon de communiquer énergétiquement avec les individus. Bon, je la connais déjà, on la pratique de temps en temps avec certaines personnes qui ont fait le séminaire. Parce qu'il y a des dangers inhérents. Et la majorité des individus qui font de la médecine douce sont des individus qui ont suffisamment de pureté pour être initiables. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne font pas de médecine douce ne sont pas comme ça. Ce que je dis, c'est que la majorité de ceux qui font de la médecine douce sont des individus qui ont atteint une qualité d'amour où ils sont prêts à mettre du temps, de l'énergie, sont capables de te toucher, même s'ils ne te connaissent pas, sont capables de te parler, sont capables de... ils t'aiment. Ils sont rendus à un niveau d'amour où ils sont capables de laisser passer même une partie de leur vie pour des individus. Il leur manque d'informations ésotériques, il leur manque d'informations supramentales, des petites choses qui manquent. Mais ce sont des individus qui, en général, sont beaux. La problématique, c'est que l'astral va s'arranger souvent pour les détruire, ces individus-là. Ils auront l'école des médecines sur le dos, ils auront des maladies, ils auront des problèmes financiers, ils auront des problèmes de mécompréhension entre eux-mêmes, il y aura des chicanes, il y aura des dissensions, il y aura plein paquet d'affaires. Prenons l'exemple, vous commencez en médecine douce, on vous envoie, l'astral va vous envoyer des cas incurables. Bon, puis là, il meurt, là, on vous poursuit. Ben non, vous perdez la confiance en vous parce que le patient, il y avait ci, il y avait ça, etc. Il y a des personnes qui sont très bonnes qui lâchent comme ça. Le transfert. Comment se libérer du transfert? Disons, sachez que présentement, ce que la personne doit faire, c'est que chaque fois qu'il y a une communication énergétique, elle doit obligatoirement prendre une douche complète, se laver, se frictionner et mettre d'autres vêtements, et ces vêtements-là devront aussi être lavés. À chaque fois qu'un thérapeute, même un médecin devrait le faire, même une infirmière. Si je comprends, on pourrait s'en changer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon. Mais à chaque fois qu'un thérapeute qui fonctionne énergétiquement, même un acupuncteur, quand il plante une aiguille, il touche à l'aiguille, l'aiguille dans un centre d'énergie, l'énergie passe par là. Ça vient chez lui. À chaque fois qu'on traite un patient, quand un patient est parti, on doit se doucher complètement et changer totalement de linge. Ça, c'est le minimum de protection qu'un thérapeute devrait faire. Qu'est-ce que tu fais avec la table? Comment tu la purges? Normalement, tu devrais avoir sur la table du... elle devrait être couverte de tissu synthétique qui n'absorbe pas. Si, mais c'est inconfortable. Si c'est un tissu qui n'est pas synthétique, il doit être par-dessus un tissu synthétique. Et le tissu lui-même, on doit changer au complet. Comme uniquement le papier, etc., c'est pas suffisant. Et puis la pièce au complet, elle doit être passée au rayon ultraviolet. Tu ouvres les fenêtres, tu fais rentrer le soleil. Si t'en as pas, il y a beaucoup de lumière, ça va éliminer. Il y a des petites choses comme ça qui doivent être faites. Il y a des musiques, certaines formes d'encens qui vont monter la vibration aussi, mais le thérapeute doit se protéger. Donc la thérapie, ça se protège? Exactement. La semaine prochaine, le sujet de la conférence, c'est est-ce que votre famille ou les membres de votre famille se réincarnent chez vous? C'est ça. Est-ce qu'ils se sont réincarnés chez vous ou est-ce qu'ils se réincarnent chez vous? Donc, on va aborder un mois où on parlait justement de différents pièges et les mécaniques de la réincarnation. Juste avant voilà, que... Voilà, amusez-vous. Avant que vous partiez, je voulais mentionner que Michel a réservé une place au commensal au deuxième étage. Ceux qui se rencontrent là, ben, c'est indiqué Académie PMC. Bonne soirée. Et tu l'as eu?